Tu vas être un bon astre. Parce que ça fait partie du domaine de ta personnalité. Parce que le mental seul ne fait pas partie du domaine de ta personnalité. Là, il est l'esprit de l'homme et l'esprit n'a pas de limite. Et un homme qui rentre dans son esprit ne peut pas rentrer dans son esprit avec des limites, c'est-à-dire avec des forces. Parce qu'il n'y a pas. Tu peux pas concevoir les idées, tu peux pas concevoir les pommes et les idées. Alors, si tu rentres dans les idées, si tu rentres dans les idées, par le biais de lumière dans ton esprit, et à ce moment-là, tu rentres dans ça. Parce que dans la traite, tu peux aller dans les... Et puis, exploiter des niveaux, des niveaux, et des niveaux, et des niveaux, et des niveaux, et des niveaux, et des niveaux, et des niveaux, dans un certain moment, tu vas être obligé de tout tuer de ta part. Alors, n'est-ce pas des gens qui sont dans le processus de montée vers de l'astralisation de leur conscience? Ces gens-là qui sont arrivés là, qui ont tous défaits. Clotho, c'est un exemple. Clotho, il est allé au bout. Là, il est clairement opposé. Et c'est là où les gens comprennent ça. Ils ne peuvent pas le comprendre tant qu'ils n'ont pas fait l'expérience. On est obligé de démolir parce qu'on n'a pas de choix. On est obligé de démolir parce qu'on ne peut plus monter. Du début, on est descendu à nous autres. Avec ce que tu as dit, c'est un spécialiste qu'on a fait pour l'être humain, c'est le bon, tu vas garder dans tout. Toi, tu dis à tout le monde, le spécialiste dans tout, sauf pour découvrir l'humain. Wow. L'homme a une très grande richesse, mais n'oubliez pas une chose non plus, que quand je parle à l'homme, je parle à l'homme sur le plan d'une génération, on va dire une chose, c'est un monde, c'est un monde dans ce village. Mais je ne suis pas dans une vision, moi, que... Tous ces gens-là vont pas sur le bord. Ils vont pas sur le bord, je les connais, mais ça m'empêche pas de communiquer aux autres l'information qui est nécessaire pour l'évolution de leur mandat, parce que ces gens-là vont crever un jour, au moins ils vont crever le bout. Parce que ceux qui crèveront pas pour des raisons d'évolution, à ce moment-là, il y aura qui reviendra. Mais l'évolution de l'homme dans le passé, c'est à partir de l'évolution de l'humanité, l'évolution jusqu'à la fin de la 5e race. Voyez-vous, de la 6e race, c'est bien différent. Ça, c'est pas de la 6e race, parce que quand je parle en cause de race, ou en général, je parle au niveau de la 6e race. Mais dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est pas la 6e race, ce sont les pères. La raison que j'en parle pas trop, c'est pas que les gens parlent de ça. Des baguettes d'experts. C'est pas un grand copain. Et il y a les pères de la 6e race et la 6e race. C'est pas tellement la 6e race qui m'intéresse, ce sont les pères de la 6e race. Quand je pense à les pères de la 6e race, ma bouche est complètement bouclée. Ça, je peux pas parler. Très, très peu. Parce que les gens, l'ego, ont tendance automatiquement à se rendre celui de la personnalité de génédiction. Et si les gens savaient jusqu'à quel point l'ego est libre de la personnalité et jusqu'à quel point la personnalité sert à l'esprit sur le matériel. Et jusqu'à quel point l'ego est transmis en énergie de l'esprit. Dans ce processus d'évolution-là, les gens ne peuvent pas le croire. Parce que tant que tu ne vois pas, tu ne vois pas. Tu peux pas dire à quelqu'un, regarde, il ne voit pas, il ne voit pas. Tu ne peux pas le donner, il ne peut pas voir. Fait que c'est vraiment les pères de la 6e race qui m'intéressent, pas la 6e race. Comme on me regarde en Europe, là. Lui, c'est la 6e race qui travaille à ce niveau-là.

quand les cours de sous-lecture, ils étudient tout ce moment-là, les cours sont capables de passer des étapes d'évolution extrêmement rapides dans le lien pour en arriver éventuellement à travailler avec l'énergie de l'âme. Et c'est ça, l'âme moronienne. L'âme de l'âme. Comprends la finitude de l'interdiction de l'ego. Mais comprends aussi la finitude de l'esprit. C'est la différence entre les finitudes de l'imperfection de l'ego et la finitude de l'esprit qui fait que l'homme trouve si difficile l'initiation solaire. En relation avec la Méchédèque. Parce que la Méchédèque n'a aucun pouvoir sur l'ego de l'homme, mais il y a un pouvoir total sur son ego. Si la Méchédèque avait le pouvoir sur l'ego de l'homme, à ce moment-là, l'ego de l'homme serait tellement attiré à lui que la Méchédèque formerait une autre école sur la terre. Il ne doit pas former une autre école sur la terre. Il doit les guérir, les rendre complètement et les rendre totalement autonomes. Mais il a le pouvoir sur leur esprit pour qu'éventuellement leur esprit soit suffisamment puissant pour éclairer complètement les autres. C'est ça le travail du magistrat. C'est pour ça que le magistrat va toujours chercher ceux qui doivent œuvrer avec lui. Ce ne sont jamais ceux qui veulent venir avec lui. C'est vous qui nous êtes. Tout le temps. Tout le temps. Aucun homme ne peut venir à celui qui doit changer son esprit. Oui, celui qui doit changer son esprit, qui vient à lui. C'est tellement fort, c'est tellement réel que quand un homme, pour une raison ou une autre, sert dans un plan quelconque d'émotion et qu'il sert à créer certaines vibrations dans une conscience quelconque, même si c'est une conscience d'unité humaine restreinte en homme, et que cet homme retarde le travail du Melchizedek. Il est séparé automatiquement de cette conscience. Parce que le travail du Melchizedek n'est pas un travail d'âme, c'est le travail de l'esprit dans l'âme. L'homme. Allez. C'est pas que j'ai un pouvoir sur vous, c'est que je suis dans le pouvoir. Étant dans le pouvoir, je comprends le pouvoir. Comprenant le pouvoir, je le prends. Alors, je transmets le pouvoir à l'univers. Et mais pendant que vous êtes en transformation, puis que vous êtes en mouvement, que votre ego est encore dans son esprit, vous ne pouvez pas réaliser que j'ai pas de pouvoir sur vous. Vous allez avoir la tendance à penser le pouvoir. C'est quand vous êtes conscientisé que vous réalisez que j'ai pas de pouvoir sur vous. Je suis dans le pouvoir. Croto aussi, j'ai pas de pouvoir sur lui. J'étais resté, j'ai pas de pouvoir sur elle. Recette, j'ai pas de pouvoir sur lui. Il y en a d'autres. Mais c'est difficile à l'époque. Parce que l'ego vit toujours dans la crainte du pouvoir, parce que l'ego n'a jamais vu et il n'a jamais connu le pouvoir. Quand l'esprit est dans l'ego, quand l'esprit est clair, l'ego, c'est plus l'ego qui rentre, c'est l'esprit. L'esprit est sincère et sans faille, hein, ce que l'ego peut être fait. Toute confusion. Donc, je dis que le but, c'est que mon ami a dit qu'il a été parce que nous, à ce moment-là, c'est pas le plus. C'est le début qui a chuté. Et vous avez quand même une influence sur le monde. J'ai un pouvoir respiratoire. Ça me permet de voir dans mon esprit. Quand je parle, je parle de la même façon, c'est la femme qui m'en croit. Il en croit. Toujours un lien avec vous. De sorte que si votre ego est trop fort contre votre esprit, votre ego dirait avoir le nom de l'esprit. Ça fonctionne. OK? Vous les passez, il y en a eu qui ont rien, il y en a qui ont essayé. Et vous revenez. Parce qu'à un certain moment, pendant ce temps-là, votre esprit travaille, l'esprit travaille sur votre ego, et maintenant, vous comprenez ce que Dieu, c'est pas qu'à faire, je vous le raconte. Et ensuite, le choc est trop fort pour votre partage. Et ensuite, vous revenez. C'est pas le pouvoir de l'ego sur l'ego, le pouvoir de l'esprit sur l'esprit. Si on veut le pouvoir de l'esprit sur l'esprit, vous ne pourriez jamais rentrer dans votre esprit. Votre ego est beaucoup trop large. Vous ne pourriez jamais. Vous n'arriveriez jamais à le comprendre. Comment ça marche, vous pensez? Si vous avez à comprendre votre mécanique, votre esprit. Au début, naturellement, l'ego est là, ça prend, il réfléchit, c'est ça. Vous ne pas mettre. Éventuellement, vous êtes éventuellement, vous êtes bien. Parce qu'éventuellement, vous savez ce que je sais. Quand vous savez ce que je sais, il y a plus de mal de l'esprit sur l'esprit. Et tant que vous ne savez pas ce que vous savez, vous êtes encore dans l'inquiétude de votre ego concernant votre ego. Une fois que vous savez ce que vous savez, une fois que vous savez, Kratou ici, ce que je fais sur Kratou ici, non, avant le doute, vous percevez, dans le doute, vous perdez la vision de ce que vous sentez, et après le doute, vous il y a une reconquête encore qui se fait de ce que vous savez, puis ça sera fini, mais maintenant vous savez. C'est là que vous devenez autonome, centré. Il faut que vous en ayez vu un jour à être totalement autonome. Mais c'est pas parce que vous êtes totalement autonome. La communication nous autres va cesser. Puisque vous allez dans votre esprit, moi je suis dans mon esprit. Ben, au niveau de l'esprit, on se rencontre pas. Mais il faut que votre esprit soit clair. Pour qu'il soit clair, pour que votre ego devienne transmissible. Parce que là, on fonctionne à la crainte. C'est normal. Le tout au-dessus. Mais ça, ça va faire un petit peu d'expérience. C'est ça que les gens sont toujours libres. Thank you. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas rien. Les gens vont dire, venez. Ils viennent, ils sont contents. Et ils n'aiment pas. Mais une fois que vous êtes sur votre esprit, à ce moment-là, vous savez, vous comprenez, à ce moment-là, on peut partir de la conscience ouverte. Si on change le terme dans la vie. Oui. J'ai déjà parlé du doute. Le doute, c'est normal. L'homme doit passer par le doute parce que là, c'est la confrontation à ceci. C'est la grande confrontation des futurs. Un homme qui ne dit pas le doute que pas dans sa vie à un niveau quelconque ne peut pas vivre l'esprit parce que l'esprit c'est trop puissant. L'ego c'est trop faible. Que l'ego devienne fort, que l'ego devienne centré, que l'ego devienne sûr et sûr, il faut que la confrontation entre l'esprit et lui-même se fasse que pas dans le temps. Et après ça, là, il y a une vertu qui se fait. C'est là, c'est l'esprit qui commence à venir, l'ego. L'esprit est clair, l'ego. L'ego fonctionne. Donc là, l'homme, au niveau de sa personnalité, il est bien. Parce que c'est la super personnalité qui est là. C'est l'ego qui est là dans la personnalité. C'est une position, une initiation, ça va? Que vous avez tout resté là? Mais vous êtes chanceux de vivre plus. Parce que si vous ne viviez pas le doute, vous vivriez la croyance. Ça, c'est la mort. C'est mieux de vivre le doute que de vivre la croyance. C'est mieux de me croire. Passer par le doute, c'est de me croire, c'est pas vivre le doute. Parce que si tu me crois défini, je dois toujours être une défini. Tandis que si tu passes par le doute, éventuellement la connexion entre ton esprit et ton ego se fait. À ce moment-là, tu vas savoir automatiquement si tu es une croyance, tu vas savoir. Quand tu dis, tu ne voudrais croire rien, c'est quand tu ne sais pas où tu sois. C'est là que tu deviens un état d'un autre monde. D'une forme quelconque. C'est un état d'un croyez-moi pas. Croyez pas. Vivez votre gueule. C'est une souffrance. C'est une je dis ainsi que ce que je vous le dis, si vous me donnez, si vous me donnez, si vous me donnez. Alors, c'est l'écoute. Ça, c'est comme la fille de l'Église de faire. On n'a pas grand choix là. On parle. On pense qu'on a beaucoup de choix. C'est quand je disais que l'Israélite, c'est une illusion. Un jour, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, on va comprendre. C'est une des grandes illusions existentielles de l'Israélite. C'est pour ça que les gens se demandent cette question. Quand tu es un adulte, dans telle famille, t'es connecté à telle personne. Tout le monde se connaît directement ou indirectement. Tu connais le livre là? Mais l'ego est toujours. L'ego essaie de comprendre l'infinité, mais si il ne peut pas comprendre, parce qu'il n'est pas dans l'infinité de son esprit. Automatiquement, il est c'est comme dans les unités de l'étude, c'est l'année de l'étude. Mais tu ne peux pas faire autrement que le vivre quand tu ne l'as pas vécu. Donc, c'est bien sûr que tu as vu la langue de l'autre. Non, parce que, non, vous n'imaginez pas que vous allez l'avoir, parce que vous n'imaginez pas qu'est-ce que c'est. Vous n'imaginez pas qu'est-ce que c'est, tant que vous ne l'avez pas. Non, ouais. Oui, et je ne sais pas si Les gens, les gens, as positive is it Ça va être ça va être connu, ça va être réalisé par les hommes lorsque les hommes auront la deuxième. Quand les hommes n'ont pas la deuxième. Quand les hommes ont la deuxième vie pour voir ce gouvernement de Dieu. Le gouvernement invisible va établir les normes d'évolution au full de l'évolution. Mais ça va être la première fois que ce sera fait par des hommes. Une reste dans la définition universel, c'est une prise de conscience de l'être à l'échelle du numérique. Une race est toujours une prise de conscience de l'être. Parle pas des races de couleur. Donc, si on revient à la prophétie, parce que ça nuirait les mythes des règlements à la conscience. Dans la bataille, je peux vous dire. Il y a un moment où l'homme passe sur par des changements, mais je précise déjà ma différence. C'est très important, c'est de oui. Parce que si passe n'importe quoi, l'homme doit savoir par lui-même ce qu'il veut ressentir. Par lui-même, intérieurement, que l'homme devra savoir ce qu'il veut ressentir. La fille, l'homme, l'homme n'a pas contact avec l'universel. L'homme a contact avec l'universel aujourd'hui, c'est un petit peu de communiquer avec l'autre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'institut a été réouvert par les fusions de la règle. On n'a la poste communication. Ça, les gens veulent parler, ils ne veulent pas le répondre. Quand tu commences à ouvrir les centres, quand tu commences à pouvoir communiquer avec eux autres, parce qu'il y a des grandes choses qui parlent. C'est tellement d'eux autres que tu peux le savoir. Il est dépendant d'esprit. On est en train de quoi? Je vais dire demain, je vais mesurer encore. Ouais. C'est-à-dire que l'homme ne sait pas comprendre là, ce qui est dit dedans. Mais l'homme ne peut pas faire de toi cela. Ça, je vous dis, croyez-vous, parce que je connais les faiblesses de l'ego. Les choses d'ego, c'est ça. Surtout l'ego qui est tendance à l'esprit, surtout l'ego qui est tendance à être indépendant d'esprit, surtout l'ego qui est tendance à mettre son nez dans des affaires qu'il ne peut pas comprendre. Normal. Ce qui est important, c'est la conscience de l'individu, que les gens puissent se comprendre, vivre leur vie là, suite. Laissez faire dans l'art, les prédictions. C'est ça l'important. Alors, ça, vous allez vous battre avec les autres mains. Thank you. C'est bien important de vivre en harmonie vibratoire avec son mari et sa femme. Quand les deux sont en cul, quand il y a quelqu'un qui est en cul, dans ce moment-là, c'est une autre chose. D'autres, ça développe la patience. Mais quand les deux, je parle de ceux qui sont deux, c'est bien important de vivre en harmonie vibratoire. Moi, occulte, je n'ai pas de mot occulte parce qu'un jour, vous serez très occulte. Vous vivrez occultement. Un jour, votre vie ne sera pas déciable. Les gens ne pourront pas comprendre votre vie de l'extérieur. Un jour. Les gens ne pourront pas comprendre votre vie de l'extérieur. C'est tellement obscur. C'est un anonyme, c'est tellement non psychologique. Non, vous allez avancer la conscience, moins vous allez apparaître comme des catégories. Des capacités, plus vous allez apparaître comme des gens très simples. Juste parce que vous êtes en tradition, vos corps sont pas ajustés, mais dans 5, 6, 7, 8 ans, vous allez être très stable, vous allez savoir quoi dire, vous allez savoir pas quoi dire, vous allez avoir assez de perception. C'est très stable. Là, c'est parce que vous n'êtes pas capable de contrôler la vibration de votre corps astral. Et quand vous allez contrôler la vibration, vous allez apparaître bien tranquille ou pas. Bien correct. Bien neutre. Ceux qui vous trouvent mystérieux, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la façon dont vous pensez. Votre comportement au niveau de la personnalité, il change. Éventuellement, les gens se trouvent mystérieux. Je me sens sous l'intégrité de l'autre. la même libération. On peut se parler dans le langage des terres, et on se convainc. Les autres me battent, je suis au sein des terres. Ça, c'est je me sens moins dans le travail. Naturellement, je travaille tout le temps avec la terre. C'est comme si c'était des champs. Tandis qu'avec le monde, mais là, c'est plus de parler. Parce que l'autre, c'est le fun. C'est pour moi, c'est une relaxation. C'est parce que j'ai pas de rebound. Bon, je parle après le tour, ça rentre comme des. Pour moi, c'est fait. Le gouvernement invisible de la Gartha, c'est un gouvernement astral sanitaire. C'est pas même des demandes que je parle. Ça fait partie des mêmes affaires. Le gouvernement invisible de la Gartha, c'est un gouvernement astral sanitaire. Évidemment. Moi, je parle d'un gouvernement mondial, cosmique, individualité dans la conscience de la famille. L'homme deviendra le facteur dominant dans l'évolution de la planète Terre. L'homme. Quand je parle de l'homme, je parle de la conscience humaine électrifiée par la lumière. Et non la conscience de l'homme astralisée par les plans intérieurs de l'évolution humaine. Autrement dit, l'homme de demain sera équivalent en potentiel d'évolution à ce que vous appelez, vous autres, les extraterrestres. Est-ce que vous appelez, vous autres, les extraterrestres? Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, les extraterrestres. Vous avez donné un nom à quelque chose que vous ne savez pas. Quand je parle de l'âme de demain, je ne peux pas vous le dire. Quand je parle de l'âme de demain, je parle de l'âme, travaillera directement avec